c'est la cigarette. J'ai kiffé déborder le sang noyé. Vous m'aurez du cancer avant même d'être exécuté. Putain, chier. Allez, c'est fini. Si t'en veux plus, va plage 14.